Les amateurs de sport sont vraiment pas gâtés. Il n'y a vraiment pas grand-chose à écouter. Puis en début de semaine, je me suis rappelé un projet que j'avais vu l'an dernier, un projet de podcast sur le retour des Nordiques de Québec, ou l'histoire des Nordiques de Québec plutôt. Question de savoir, je me suis informé pour savoir où s'en est rendu cette histoire-là. On en parle avec celui qui est le concepteur et le réalisateur de ces podcasts-là, Pierre Blais. Bon après-midi, Pierre. Bon après-midi, merci de me recevoir. Pierre, évidemment, là, on n'a vraiment plus grand-chose à se mettre sous la dent. Les RDS, les TVA Sports ont coupé leur programmation directe. C'est toutes des reprises. 91.9, on ne sait pas du tout. C'est vraiment du rapiécent. On ne sait pas quoi faire. Et moi, je me suis rappelé l'an passé d'un projet que j'avais vu ça dans les journaux. Il y avait Claude Bédard qui était là-dedans. Il y avait également Maurice Dumas sur une série de podcasts sur l'histoire des Nordiques. Et là, où s'en est rendu ce projet-là? C'est un drôle d'addon, en fait, que tu as pensé à ça cette semaine parce que, en fait, j'ai pris la décision dans les derniers jours de précipiter un peu le lancement de tout ça. Ben oui. Un projet comme ça, ça se finance, il y a des coûts qui sont rattachés à ça et tout et tout. D'un autre côté, puis c'est pour ça que je retardais un peu dans le sens que, tu sais, il faut financer puis on essaie de pas manger trop d'argent, c'est normal. On fait des projets, mais on veut pas en perdre, tu sais. Sauf que la situation actuelle, la pandémie que vous connaissez tous et qu'on vit tous, ça m'a amené une réflexion. Honnêtement, ça va être dur à financer dans les prochains mois des entreprises qui vont vouloir embarquer financièrement dans un projet comme celui-là. Je trouvais que c'était un peu délicat d'approcher des entreprises dans un contexte comme ça. Puis d'un autre côté, je me suis dit que tant qu'à le faire, il est prêt le projet. Tu sais, les capsules sont habillées, quand je dis habillé, c'est l'habillage sonore, là, avec les petites trames, tout ça, puis des présentations. Mmh. Tout est prêt. Le site Internet est prêt. La page Facebook est prête. Tout ce qui manquait, c'était l'espèce de montage financier que, honnêtement, je voyais pas venir. Puis je me suis dit, regarde, on s'en va dans une période où les gens vont effectivement, puis ta réflexion, elle est excellente. C'est ce que je me suis dit, ils vont avoir besoin de divertissement. À un moment donné, là, on arrive au bout de Netflix puis de nos intérêts sur YouTube, je sais pas, là, tu sais. À un moment donné, on va chercher autre chose à faire. Puis je pense que l'amateur de sport, l'amateur de radio, va se retrouver dans un projet comme celui-là. Donc, c'est quoi? C'est-tu un peu comme les... parce que Jacques Doucet, je sais pas si tu te rappelles du projet de Jacques Doucet qui avait été fait il y a quelques années, Baseball 36, je pense, ça s'appelait. Où c'était l'histoire des expos de Montréal. C'est Jacques Doucet qui racontait l'histoire des expos en 36 capsules. Une capsule, ben, je pense qu'il y en a 38 même de ça, puisque Jacques parle beaucoup de comment ça a été construit au départ, et ainsi de suite. Est-ce que c'est semblable? Oui, c'est très semblable. Avec Jacques, on en avait fait 42 capsules, 42, ou 43, okay. Mais... ouais, on en avait fait 42, puis c'est exactement le même projet. Okay. Cette idée-là avec Jacques Doucet, je l'avais eue en 2008 ou 2007 ou 2008, quand je travaillais à la station Québec 800. C'était ici à Québec, c'est une station de radio qui parlait strictement de sport, puis j'avais rencontré Jacques Doucet, puis il avait lancé ses livres sur l'histoire des expos. Ouais. Je me suis dit, c'est cool ce qu'il vient de faire là, c'est vraiment bien, c'est documenté l'histoire des expos, c'est parfait. Ah, c'était parfait, ça. Mais il me semble que pour moi, Jacques Doucet, c'était la radio. Puis je me suis dit, ce projet-là qu'il a mis par écrit, et s'il me le racontait dans des capsules? Puis c'est de fil en aiguille, c'est ce qu'on avait fait. Donc, on avait fait, c'est sur 42 épisodes, un épisode par saison, d'autres épisodes là, du genre comment l'équipe a-t-elle été obtenue auprès du baseball majeur, comment on a bâti la première édition aussi. Bon, tu sais, des petites histoires comme ça qui étaient bien intéressantes. Puis là, ben, une fois le projet vraiment terminé, parce que ça, c'est encore disponible d'ailleurs en ligne. Ben oui, j'ai commencé à l'écouter, écoute bien, c'est 3 ans après, parce que, écoute, il n'y a rien, il n'y a plus rien. Puis tu sais, il y a tellement de sports, puis Pierre, t'es un amateur de radio, il y a tellement de podcasts, il y a tellement de tout en temps normal, qu'on vient qu'on ne trouve plus le temps, on n'a pas le temps de tout écouter, mais là, j'ai commencé à l'écouter d'ailleurs. Et j'incite tous les gens qui nous écoutent à faire la même affaire, là, c'est sûr, puis c'est facilement disponible sur toutes les plateformes. Mais quand c'est ça, quand ça a été complété, je me suis dit, écoute, les expos, moi, je trippe sur le baseball, tu sais, mais je suis un petit gars de Québec. Claude Sakic, c'était mon joueur préféré. J'ai adoré les Nordiques. J'aime beaucoup moins le hockey aujourd'hui que je l'aimais dans le temps, mais les Nordiques, j'ai encore ça tout en moi. C'est encore, ça fait partie de moi. J'ai dit, je connais très bien Maurice Dumas. Je suis assez certain qu'il serait capable de me trouver quelqu'un avec qui on pourrait faire ça. On en a discuté. passé, puis on a mis notre on a jeté notre dévolu sur Claude Bédard qui était analyste. Ben oui, puis dans tous les postes ou à peu près, mais du jour 1 au jour dernier, il a été là, Claude Bédard, Maurice, à peu près du début jusqu'à la toute fin, ça c'est clair aussi. Fait que là, on se retrouve avec deux pointures là, qui sont capables de te raconter l'histoire, des gars qui ont passé 75 ans les deux, dit bon, faudrait que ça se passe tout de suite, parce que ces deux gars-là, ils ont des choses à raconter, puis il faut que les gens puissent entendre ça. Fait qu'on a garoché ça, on s'est dit parfait, on lance le projet. Et là, ça, c'est de la recherche sans arrêt, là, mon cher. C'est vraiment spectaculaire toute la recherche que ça prend. Mais une fois que c'est fait, une fois que la recherche est faite, que les enregistrements sont faits, que tout est fait, c'est là que tu dis, Colin, là, j'ai tout un produit entre les mains. Puis moi, je pense que ce que les gens vont entendre, là, parce que je devrais être en mesure de sortir ça là, quelque part à la fin de la semaine ou dans les prochaines heures, en tout cas, c'est assez certain. Quand les gens vont entendre ça, je pense qu'ils vont... Ça dure combien? Comment ça dure? Les Nordiques ont duré 16 ans. J'imagine que ça commence avec l'Association mondiale. Comment ça se passe? Oui, exact. Ça commence avec l'Association mondiale, donc à partir de 72 jusqu'à 1995. OK. Puis on se rend, c'est une capsule par saison, là, le même principe que j'expliquais tout à l'heure. Puis on ajoute des capsules. L'affaire Lindros, la confection des tarifs, c'est une capsule au complet, ça dure à peu près une heure. Il y a 33 capsules au total pour une vingtaine d'heures de matériel au total. Fait que je me dis qu'il y a des gens qui vont y trouver leur compte, c'est sûr, là, dans les prochaines semaines, qui vont être en mesure, tu sais, des gens qui ont de la route à faire aussi. Mm-hmm. En ce moment, là, il y a des gens qui se fendent le cœur en quatre pour nous ramener de la bouffe des États-Unis, d'ailleurs au Canada. Ces gens-là qui sont dans leur truck puis qui passent de longues heures, là, moi, je suis persuadé que c'est un produit qu'il va aller les chercher. Après ça, monsieur, madame, tout le monde, le soir, effectivement, il était habitué d'écouter sa game de sport. Mm. Ben, à un moment donné, isolé tout seul dans son coin, il va peut-être mettre les écouteurs sur la tête, puis il va l'écouter un par ici, un par-ci, donc, un par là. C'est à peu près une vingtaine d'heures, à peu près, de contenu. Okay. Est-ce que c'est la discussion? Est-ce que des fois, il peut avoir même du sonore un peu, puisqu'il y a quand même exemple, le but de Peter Sochny contre les Whalers d'Hartford, on peut le retrouver avec la description d'André, c'est André Côté, ouais. Est-ce qu'on retrouve ça, ben c'est juste c'est du parlage aussi, ou il y a d'autres choses? C'est de la discussion okay. entre Claude, Maurice et moi. J'aurais pu, si j'avais suivi le plan original, là, qui était de lancer ça dans les prochains mois, mais pas tout de suite, j'aurais pu faire le tour de ce qu'on trouve comme sonore. J'en avais pas mal des archives, okay, aussi. Mais honnêtement, j'en ai monté une là, pour le tester, puis la balance de la quantité de temps que ça aurait pris pour lancer tout ça par rapport à ce que ça amène au reportage, j'ai fait le calcul, puis je me suis dit que c'était peut-être pas ce qui était là où je devais concentrer mes efforts. Mais ça aurait été intéressant, c'est un bon point, je pense que ça aurait été pas pire, mais à un moment donné, la mini PME que je suis, ben oui, est vraiment trop mini pour ce genre de projet-là. Donc, ça va être mis en ligne d'ici la fin de semaine. Ça s'appelle, le produit, comment ça s'appelle? Ça va être tout simplement les Nordiques de Québec, le podcast. Puis, pour trouver, là, je pense que la meilleure façon, c'est la page Facebook. Donc, vous allez dans, okay, Facebook, puis dans la barre de recherche, vous écrivez « podcast nordique » avec un S. Vous allez trouver tout de suite, là, c'est un gros signe des Nordiques, un petit peu modifié, mais vous allez trouver très, très facilement. Et de cette façon-là, chaque fois qu'il y aura des capsules qui vont être publiées, bien, vous allez avoir l'information sur cette page-là. Est-ce que les vins vont être distribués, vont être lancés en même temps ou encore? Parce que je pense que les expos, tu avais mis, c'était une par semaine, hein? Par semaine, là, on va accélérer. De ce que je vais faire au moins pour la première cette semaine, lorsqu'on va lancer tout ça précisément, je vais en publier 5 la première fois. Par la suite, je ne sais pas exactement quel rythme je vais prendre, mais c'est sûr que ça va être plus rapide qu'une par semaine, parce que je comprends qu'il faut que si quelqu'un aime ça, il va peut-être pas vouloir attendre trop longtemps pour avoir prochaine. C'est ça. Ça, je comprends ça, j'apprécie ça même. OK. Ben, Pierre Blanc, on va suivre ça de très, très près. Très intéressant d'ailleurs, évidemment, sur cette initiative. Claude Bédard, Maurice Dumas, c'est de valeur qu'elle balade ça, n'est plus de ce monde. Ça aurait été intéressant d'avoir le troisième aussi dans ce cas-là, mais sauf que... Raison, ben oui, c'est vrai, maudit. Mais ça, on connaît toute la suite. Gros merci, ouais. On s'en reparle bientôt, puis bonne chance pour ton produit. Belle initiative. Ben merci, c'est bien gentil, puis surtout merci de m'avoir reçu, je l'apprécie. Pierre Blake est le réalisateur du podcast Les Nordiques, qui sera mis en ligne très très bientôt.